8h20 avec nous ce matin pour sa revue du web hebdomadaire, le seul, l'unique, le séduisant. Excusez. Bon, il y a de la visite. Patrick Dion, auteur, chroniqueur et rédacteur de l'émission Cliquez à TV5. Bonjour Patrick. Joyeux Saint-Valentin, mon amour. Ben oui, je vois que t'as mis juste pour moi ta belle veste rouge. Ah, j'avais même pas fait le lien. Ben oui, gagnons ça. Je suis tout de rouge vêtu. Cupidon suis-je. On débute la revue du web avec Miss Inc., qui est une web-série documentaire basée sur la beauté. Ben voilà, on est tellement sensible à la beauté. On se fait avaler par la pub, à la télé, dans les magazines, sur le web. On dépense des fortunes en cosmétiques, en mode, en trucs esthétiques de toutes sortes. On est tous un peu victimes de la mode. On est tous un petit peu des fashion victimes. Regarde justement mon joli gilet rouge ce matin. Puis je me regarde la face, puis peut-être qu'à un moment donné, je vais me faire greffer des cheveux, je sais pas trop. Mais l'industrie de la beauté, comme l'industrie de la mode, ça rapporte beaucoup. Puis pour dresser un portrait de cette industrie-là, les productions Pimiento, qui se spécialisent beaucoup un documentaire, ont visité, entre autres, le Venezuela pour lever le voile sur le culte de cette beauté-là. Il y en a résulté un documentaire qui était présenté le 29 janvier à RD. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était vraiment qui était basé sur les jeunes... Oui, sur écoutez, l'univers des Miss au des Venezuela. Des Miss Venezuela et qui fait partie intégrante de l'économie, ce genre de concours de pageant. Oui, ouais, qui est le rêve de toutes les jeunes filles là-bas. Puis en fait, c'est le rêve des mères qui sont transposées chez les jeunes filles. C'est un petit peu aberrant tout ça. Mais Radio-Canada a aussi eu l'excellente idée d'en créer un web documentaire. Pimiento s'est déplacé aussi dans trois autres pays, dont le Liban, la France et la Chine. On parle au Liban du marché lucratif de la chirurgie esthétique. En France, sur le nouveau marché des femmes métissées, il paraît que maintenant, le plus gros pourcentage de femmes qui achètent des trucs concernant la beauté provient des communautés culturelles en France. Et aussi en Chine, un webdoc qui va se pencher sur le culte de la femme blanche, parce qu'on se fait débrider les yeux, on se fait pâlir la peau. En tout cas, celui sur la chaîne va être disponible d'ici quelques jours, mais je vous considère franchement aller faire un tour, aller voir ça. Site web pour les foodies. Oui, ben en fait, c'est plus qu'un site web, c'est un livre de recettes gratuit et numérique qui regroupe des recettes, des accords, des trucs, des bonnes adresses de la ville de Québec. Donc ça a été créé en novembre dernier. Je suis comme un petit peu en retard, mais en fait j'avais vu l'adresse, puis des fois je suis paresseux, comme je suis vraiment niaiseux. Des fois quand je vois que tout le monde partage quelque chose, je me dis ben ça vaut pas la peine que j'y aille, puis je vais pas voir. Donc en novembre dernier, j'ai vu passer ce truc là, j'y ai pas été, mea culpa, fouettez-moi en sortant. Mais voilà, ça a été créé en novembre dernier par 17 blogueurs de la ville de Québec qui ont lancé un premier numéro de Food et Foodies, qui est un livre de recettes numérique vraiment superbement bien fait, qu'on peut consulter soit en ligne, qu'on peut télécharger en format PDF. Ça provient de la ville de Québec, comme je le disais, donc de la ville de Régis Premier. Et c'est vraiment, c'est des merveilleuses... Régis Premier. Et c'est des bonnes adresses, des marchés, des boutiques, partout. Ça concerne vraiment tout ce qui est domaine de la bouffe. Et ça a tellement bien élevé comme un joli pain. Ils vont lancer un tome 2 au mois de juin. Aller feuilleter le magazine en ligne. Je veux dire, c'est vraiment magnifique. Les images sont belles, les photos sont magnifiques. Puis, ça donne vraiment le goût de manger. Il y a une poutine au Général Tao. Vraiment. Alors, oh non, c'est non, dur pour l'estomac, ça, non? Ben, peut-être à 8h20 le matin, mais sans farce, allez voir ça. Ça vaut vraiment la peine. Foodies.com. Deuxième tome, le 13 juin. Il y a un site web qui raconte l'assassinat de Ben Laden en animation. Ben en fait, c'est plus que ça. Je sais pas, as-tu vu Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow? Oui. Ben en fait, on se demandait, moi je me suis demandé, puis je pense que beaucoup de gens se sont demandé, c'est quoi le pourcentage de réalité et de fiction dans ce scénario-là? Parce que ça a été romancé un peu. Là. Ben on pense que ça a été romancé, mais pas en tout. En tout cas, vraiment pas beaucoup. Je dirais que le pourcentage de fiction est très, très minime là-dedans. Donc, le reporter... Non, mais attends, là. Il faut rendre ça intéressant. Il faut enlever ben un oui, peu le côté... L'histoire en tant que telle, honnêtement, moi aussi, je me suis dit, okay, il y a certainement plein d'affaires qui tiennent pas debout quand l'hélicoptère qui s'écrase avec la queue prise dans le mur puis tout. Là. Non, donc, honnêtement, là, je vous conseille d'aller voir The Man Who Killed Osama Ben Laden, qui est plus, en fait, qu'un reportage reportage animé, en dessin animé, en fait, un dessin animé, c'est un reportage d'animation de 20 minutes sur l'assassinat de Osama Ben Laden, parce que ça provient de plusieurs entrevues que le reporter Phil Bronstein du, comment ça s'appelle, là, le Center for Investigative Reporting, c'est un organisme d'enquête indépendant américain. Il s'est assis avec le sniper qui a tué l'homme le plus recherché au monde, et c'est pas Où est Charlie, là, mais... Et de ces rencontres-là, il a mis en ligne un super gros reportage qu'on peut lire, mais de ça, il a fait un condensé et il a créé une animation d'une vingtaine de minutes qui est disponible sur YouTube. Et vraiment, là, honnêtement, c'est la même chose que le scénario de Catherine Bigelow. Et on en a un extrait justement pour vous. Oui, on va vous donner un petit extrait. In that second, I shot him two times in the forehead. He crumpled on the floor in front of his bed and I hit him again. He was dead. I remember as I watched him breathe out that last part of air, I thought, is this the best thing I've ever done? Or the worst thing I've ever done? This is real, and that's him. Holy shit. Alors évidemment, on va glisser le lien sur notre page Facebook de l'émission pour aller voir cette animation. Et on se laisse avec un clin d'œil, un vidéo qui a été virale cette semaine sur la toile. Il fallait absolument que habituellement, j'ai trois sujets, mais là, il fallait absolument que je vous parle de ce clip-là qui a enflammé complètement le web cette semaine. Bon, en fait, le web ici au Québec, on s'entend, mais tout le monde se l'est partagé. J'ai trois choses à vous dire. Première chose, 17 000 visionnements sur YouTube. Deuxième chose, Hochelaga. Et troisième chose, G.I. Joe Big Star Hochelaga. Je sais pas si je vais rire ou pleurer, mais bonne semaine. Bonne semaine. C'est un vidéoclip, donc on glissera également sur notre page Facebook. Merci beaucoup, Patrick Dion. En voici un extrait de ce fameux vidéoclip Hochelaga Represent. Yeah. C'est ce parle à ma main, plus qu'on fout le feu.